Aujourd'hui, nous recevons deux femmes exceptionnelles, Pauline Paris, que nous connaissons, l'auteur, compositeur, interprète, ainsi que sa camarade, sa copine, son amoureuse, Christelle Maillère, qui, elle, est comédienne et s'est lancée dans l'univers des bars. Donc, elle nous parlera de son projet exceptionnel. Elle laisse la place aux artistes. Donc, moi, c'est à mon tour de leur laisser le micro. Pauline Paris et Christelle Maillère, à vous, mes belles demoiselles. Étais-tu là depuis longtemps? Salut Pauline! Salut! Non, mais t'étais là depuis longtemps? Non, je viens d'arriver. Danse, danse, moi je bats la cadence pour que tu danses. Dans ce foutu manège, tes rangs sous l'on danse, danse. Depuis notre plus tendre enfance, danse. Faut bien qu'elle tourne la grande roue, même si c'est pour tourner en rond. Faut bien qu'elle tourne la grande roue, même si c'est pour faire un petit tour, deux petits tours, trois petits tours et puis s'en vont. Je m'avance et toi tu danses, danse, foutu manège, tes en sous l'on danse, danse, pour oublier tout ce qu'on dépense, danse. Faut bien que tu tournes la grande roue, si tu veux qu'un jour ça roule pour toi. Faut bien que tu tournes la grande roue, où tu n'auras plus qu'un petit tour, deux petits tours, trois petits tours à faire sur toi. Tu danses dans ce foutu manège, romance où l'on se croirait en vacances et danse, mais c'est tout sauf des vacances. Pas de chance. Où sans toi je suis en carence. Hey, danse, danse, moi je m'en balance tant que tu danses, danse, foutu manège, tes mains sous l'on danse, danse, pour donner à la vie un sens, danse, danse, danse. Mais le vent tourne et la grande roue ira bientôt tailler la route. Et ce jour-là, sans la grande roue, tu n'auras qu'à passer ton tour, ton petit tour de rien du tout. Un point c'est tout. Pira-pa-pi-pa-pa-pi-pa-pi-pa-pé-o. Danse, danse, allez danse. Danse, danse. Mais toi, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Bah ouais. Comment ça va? Bah ça va bien, écoute. Oui. Ça va, ça va. Je suis... je fais toujours chansons, théâtre. On parle pas mal. Je suis souvent invitée pour les deux sous lesbiens de la chanson aussi. Ouais. Là, on va aux Francofolies pour faire un... À la Rochelle? Ouais. Les folies littéraires. Oui. Pour parler du livre. Oui. Donc, le livre, est-ce que ça se passe bien? Il y a des super retombées médiatiques. Pour un premier livre, franchement, apparemment c'est bien. Et on pense peut-être faire une déclinaison, tu vois. Une suite. Moi, j'interviendrai pas forcément, mais il y aurait d'autres. Ce serait les dessous lesbiens du cinéma. Et du coup, à la place d'une chanteuse, j'aurais une réalisatrice qui pourrait être le. Ma pote est journaliste et moi j'étais chanteuse, tu vois, donc ça faisait les deux sous lesbiens de la chanson. Ouais. Mais là, elle s'entourerait de quelqu'un d'autre. Donc il y a des maisons d'édition potentiellement qui sont intéressées, donc on va voir ce que ça donne. Mais tu veux plus t'investir là-dedans parce que c'est... Bah déjà moi c'était la chanson, c'était le domaine de la chanson qui m'intéressait particulièrement. Le cinéma j'adore mais je me sens pas assez... C'est vraiment en tant que public que j'adore quoi, je suis pas sûre d'avoir envie d'y voir, de revoir 50 fois le même film. Et je sais que ça prend un temps fou. Et ça m'intéresse comme sujet, mais je sais pas. J'ai pas d'attente. Coucou! Rénald, Christelle, Christelle, Rénald. Parfait, merci. Tu veux être au soleil ou à l'ombre? Tu veux être à l'ombre? Attends, il y a un bouchon ici en attente. Ah ouais, tu vois. On va refiler ça, qu'il sache que c'est pas à nous. Non, c'est son père de. Donc, voilà. Mais t'es encore avec la pièce que tu roules depuis quelques temps pour un public plus jeune, les enfants. J'en ai trois. Oui. La Marlaguette et Mishka. Mais celle où tu fais comme une souris ou. Mishka, ouais. Mishka, ouais. Un ours. Un ours, ouais. Un ours qui boit du miel. Ouais. Et maintenant, il y a Pépito où je suis un petit bateau. Pépito, petit bateau. Un bateau humain. Un bateau humain. Ok. Habillé comme ça. Ah, c'est le... Ok, oui. Okay, c'est ça, mon costume de scène. Un costume de scène, oui. Là-bas, j'ai un pantalon blanc. Ok. Et j'ai un petit... Tu sais, un petit... Ah oui, un bonnet, là. Ouais, ouais, les petits bonnets de docker, là. Oh, ouais, de les... marin. Ouais, voilà. Ah, ouais, ouais. Mais moi, je travaillais dans un restaurant qui s'appelait Papaye, puis c'était... Le concept, c'était la marine. Puis on était habillés en matelot. Ah bah oui. Donc t'avais la totale. Ah, et t'avais le... Ouais, la bavette, toute la chose. Ah, moi aussi, j'ai ça. Ah, mais oui. c'est chaud, hein? C'est chaud, mais pour travailler... Et c'est rigide, ah, c'est pas agréable. Oui, puis en plus, c'est un nylon. C'est en nylon, ouais. Ah, c'est en nylon, ouais. Bah moi, c'est en jean, je crois. C'est un truc vraiment... Un truc de militaire, quoi. Enfin, exactement. Ouais, la marine. Puis on travaillait avec ça. Ah, ouais. J'ai pas travaillé longtemps. Ça faisait... Ah bah oui. Et puis... T'as jeté la bavette? Non, non. On aurait mis à l'employeur, parce qu'on remet toujours nos trucs à l'employeur. C'est prêté, c'est pas donné. Ouais, c'est ça. Je t'ai suivi parce que tu faisais... Ou si tu rendais hommage à ton... un album qui t'a sorti. Ah, avec, René Vivien. Oui, avec, mais je t'en avais parlé la dernière fois, ben oui, non? Ben oui, t'as fait quelques pièces musicales. Ah, j'avais joué Vivien aussi. C'était la première fois que tu la faisais. Tu racontais un peu. Ben oui, j'ai placé une vidéo sur mon site. Ah ouais, ok. Où on te voit chanter. Oui, je me souviens en fait. Ouais, tout à fait. Oui. Et tu. Comment ça se passe, ce disque-là? Je vais te raconter parce qu'en fait c'est Christelle qui m'a donné la chance de faire une résidence au Cénobar. Okay. Donc j'ai pu le développer. Bonjour. Moi aussi. Vous faites des. Je vais prendre une limonade. Ah ouais. Je peux? Oui. Ça enregistre pas? Oui, ça enregistre. Ça enregistre? Oh, c'est pas grave. Ah, c'est collé. Oui, c'est normal. C'est quand même bien collé. Hein. Ah, merci. Là, ça va coller encore mieux. Avec le... Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Un coca et une limonade? Un coca aussi, s'il vous plaît. Deux coca et une limonade. Oui, et puis comment ça passe cet album-là? En fait, je vous prends un coca aussi. Ah! Oh! Vous m'avez donné envie. Ah ouais, on suit. Ben on, ouais. On est des suiveurs. Je suis une suiveuse. Une suiveuse, c'est une suiveuse. Ben là, t'aurais pris une limonade, j'aurais été réconfortée dans mon choix. Puis t'as pris un que... coca, ça m'a donné envie de... Non, mais peut-être qu'en ayant pris deux limonades, on se retrouve avec trois limonades. Non, je mets un coca. Okay. Ah, mais parfait. Tu serais restée au coca. Ah. T'étais pas une suiveuse. T'es pas une moutonne. Non, mais c'est bien parce qu'on apprend des autres constamment. Hein. Ben ouais. Tu savais pas, hein? Non. Voilà. Ben, elle, je sais que quand elle a un avis dans la tête, si elle sait ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle veut. C'est ça. Alors, tu lâches prise parce qu'elle va toujours garder sa qualité. Je lâche prise. Oui. Je lâche prise, non? Pas pour tous les sujets, quand même. Pas pour tous les sujets, non. Bah non, parfois j'ai quand même mon avis aussi, quoi. Ouais, heureusement. Arrêtez. Heureusement. Ouais. Puis ton album, ouais. Non, mais du coup, ouais, Vivien, je l'ai joué quand... En effet, quand je te l'avais montré, on n'avait pas enregistré d'album encore. Oui. Si, on venait de l'enregistrer. Oui. Mais il y avait aussi le disque avec le livret. Ouais, c'est ouais. ça. Les poèmes et, ouais. et les dessins. Ouais. Et ben, entre-temps, en septembre dernier, c'est ça, en septembre 2021, ben Christelle m'a proposé de jouer les chansons dans son bar, une fois par mois, et en trio. Donc j'ai pu créer un trio autour de ces chansons, avec Duncan, chez qui j'avais enregistré l'album, et Raphaël, mon bassiste de toujours, là, avec qui je joue dans les bistrots depuis 20 ans. Et... celui du lion, il a l'esprit scientifique, bien trop logique. Mon signe astrologique est celui du taureau. J'y comprends rien aux mathématiques, c'est bien ça Loïc. On n'est pas fait pour s'entendre, on n'est pas fait pour se comprendre. On ne parle pas la même langue, sauf quand on est dans le même lit. Alors là on sait tout, l'alphabet de A à Z. On joue avec les mots, on fait des scrabbles. À trois, du coup, on a refait les arrangements. Enfin, on a repris pas mal les arrangements de l'album, mais et ensuite on a répété au Cénobar, qui est donc le cabaret de Christelle, et on a fait une mise en scène petit à petit. Et donc c'était comme une résidence une fois par mois où du coup on changeait des petits trucs chaque mois. Et j'ai terminé en mai, avec une mise en scène où je commence en tant que Pauline Paris et petit à petit je fais un striptease à l'envers, je mets de plus en plus de costumes et je deviens René Vivien. Et c'est très freudien. C'est très freudien. Oui, c'est ça. Ou l'antipode de Freud. Ouais. Au lieu de me mettre à nu sur scène, je m'habille. Je me revête. Si. Ouais. Et qu'est-ce que ça a donné? Eh ben, écoute, c'était bien. Il y avait toujours un petit peu de public. Il y avait... Moi, ça m'a beaucoup appris, quoi. Enfin, ça, j'ai eu l'impression... J'ai un spectacle que je peux proposer maintenant, complètement construit. On n'a pas encore vraiment fait de plan de lumière, tu vois. Mais tout ce qui est en effet arrangement, scénique, transition, scénique et tout... C'est construit, c'est là, donc c'est un beau boulot. Voilà, c'était le but de cette résidence, tu vois, c'est d'arriver au bout. Alors bon, Duncan s'en va à la fin du mois, il s'en va vivre en Angleterre. Oh, alors. Donc c'est un peu plus chiant. Tu es obligé de trouver quelqu'un là. Voilà. Et te réhabituer et parce que là, pour vous regarder, vous savez ce que vous voulez. Ouais, en plus il a enregistré l'album avec moi, donc on avait des idées très précises. Mais écoute, c'est souvent. C'est un peu une déception sur le coup et tout ça, mais après, lui il m'a dit qu'il reviendrait parfois, donc il pourra quand même revenir jouer sur quelques plans. Et après, ça fait vivre les chansons que d'avoir des nouveaux musiciens qui y travaillent. Un vin nouveau. Ouais. Donc c'est intéressant aussi. J'aurais aimé que ça arrive un peu plus tard parce qu'il vient de naître ce projet, mais... Ben, il vient de naître avec la COVID, il s'est arrêté, il a repris, donc il y a eu des... Voilà. Ouais, en soi, c'est vrai que l'album, il est déjà sorti il y a presque 3 ans, tu me diras. Mais puisqu'il y a 2 ans, on ne savait pas ce qui se passait. Il n'a plus de vie pendant 2 ans, donc on peut dire que ça fait juste une année. Voilà. Pour moi, il a l'air tout... Tout neuf. Tout neuf. Ouais. Bon, maintenant, la prochaine étape, c'est de le faire tourner, et ça, je ne sais pas trop comment encore, mais bon, on verra. Mais en tout cas, il y a un beau spectacle, il est là. Alors, voilà. tu as beaucoup de choix, soit faire de la chanson, faire du théâtre, t'es pas cloisonné à attendre. Non, je vais toujours, si ça marche pas d'un côté, je vais arrêter. Avant, je passais, j'avais des œillères et si un truc marchait pas, je focalisais dessus et je me disais qu'à force de le regarder, il allait se passer quelque chose. Maintenant, je le fous de côté et je me mets sur autre chose. Je trouve ça intéressant parce qu'en 2017, quand on s'est rencontrés la première fois, tu disais exactement ce que tu viens de dire là. Ah ouais? Ouais. Que tu focussais et que tu attendais et que tu étais plus besoin. Que tu étais à l'attente, que tu ne laissais pas le morceau. Ouais. Que tu ne lâchais pas le morceau. Bah là, en fait, j'ai fait ce que je pouvais faire. Et après, ça dépend un peu moins de moi. Quand tu me dis, ah si, je peux passer mes journées à chercher des dates et tout, mais en fait, c'est pas mon métier. Donc au bout d'un moment. J'ai fait le truc, s'il y a quelqu'un qui s'intéresse, tant mieux. Mais bon, il est là et maintenant je vais essayer de penser à d'autres projets et d'en développer d'autres. Quoi. Et tu travailles aussi avec Paul quelquefois. Paul Pechard. Paul, on joue souvent ensemble dans un petit bistrot. La semaine dernière, il n'y a pas longtemps. Ouais, on a fait. On a fait la fête de la musique dans un resto. On a joué ensemble, Paul il vient souvent au Cénobar. Ah oui, aussi. Okay. Qu'est-ce qu'on a fait? On a. Ouais, on fait souvent. Bah avant, on allait une fois par an en Irlande. Ouais, c'est vrai. À Dublin. Mais là, avec le problème sanitaire. Ouais. Et le pub a fermé, donc. Ah ouais, c'est fou, hein. Ah, mais toi, t'es quand même assez chanceuse d'avoir pu reprendre après la COVID. Bah c'est vrai que j'ai pas arrêté du tout, à part pendant le premier mois où c'était impossible de sortir de la maison, mais après j'ai... Non, mais t'es fermé et on... Bah après j'ai fait de la vente à emporter tout le temps, okay. Et après on a aussi pu piétonniser la rue, dans la petite rue où il y a le Cénobar, et donc on a pu travailler en extérieur quand même. Mais au niveau des aides de l'État, j'ai pas eu beaucoup parce que je venais d'ouvrir, ouais, c'est sûr, j'avais un petit chiffre d'affaires en démarrant. Mais surtout, bah, j'ai un propriétaire extraordinaire qui comprend, qui me donne le temps, mais j'ai pas encore sorti la tête de l'eau, quoi, c'est sûr. Ça commence à super bien prendre, le Cénobar, ça commence à bien marcher. Mais ça reste le début et il y a encore des restes de cette période, bien sûr. Ouais. Tu ouvres à quelle heure? J'ouvre à 17h, du mardi au dimanche. Alors là, tu travailles tout à l'heure? Et là, je vais aller tout à l'heure, absolument. Et ouais. Est-ce qu'il y a un spectacle de prévu aujourd'hui? Alors ce soir, c'est un peu la spécialité du Cénobar, c'est le Cénobaret, c'est le cabaret du Cénobar, c'est tous les vendredis. Et c'est une scène ouverte mais fermée, c'est-à-dire que les gens, les artistes sont convenus en amont, c'est organisé, c'est programmé, qu'ils jouent. Il y en a entre 5, 6 et 7, ils ont jusqu'à un maximum 15 minutes pour exposer leur travail. Alors ça quelqu'un peut arriver avec sa guitare et monter sur la scène? Alors c'est programmé en avance quand même. Donc, l'idée c'est que les artistes viennent le mardi, on discute un petit peu et là je les mets pour un vendredi. Si tu veux. Mais est-ce que tu les auditionnes ou pas du tout? Non, je ne fais pas d'audition. L'audition, entre guillemets, c'est lors des Cénobarets, en public directement, et puis je vois assez vite si j'ai envie de les revoir sur une plus longue période, sur un plus long set, ou s'ils reviendront ponctuellement ou pas du tout. Mais après, pas du tout, ça m'est pas arrivé, quoi. Enfin, une fois, là. Merci. Mais tout le monde, il y a de la place pour tout le monde le vendredi au Cénobaret, quoi. Voilà. Mais éventuellement, est-ce que si moi je me présente là le jeudi. Ah ben c'est vrai, tu ouvres à 17h. OK. OK. Parce que j'aurais pu faire mon centre de rencontre là-bas. L'idée aurait été pas mal. Ah! Mais en ouvrant à 17h, ça, ouais, ça coûte. Toi, c'est le matin et l'après-midi. Ben c'est ça, exactement. Ouais. À 17h, je m'en vais au théâtre ou je m'en vais voir des. Mais ton projet, quand ben, même... Ben, viens voir une soirée, hein. Ouais. Si t'as le temps, viens, passe. Oui. Tu vas voir l'ambiance, c'est hyper sympa. Oui. L'air pleure, le printemps fervent. Les arbres souffrent dans le vent. Sans opulence et sans couronne. Les violettes d'automne. Tu viens, toi, que je n'aime plus, portant les regrets superflus, et plus pâle qu'une madone. Ah, les violettes d'automne. Je songe à nos mauvais adieux, nos souvenirs sont dans tes yeux. Que la fraîcheur du jour. En fait, c'est un lieu aussi où tu as plein d'artistes qui se rencontrent les uns les autres. Un peu comme au charbon. Et qui se mettent à travailler ensemble par la suite, tu vois. Ok. Ah, il y a des discussions entre artistes et... Moi, j'ai rencontré une chanteuse, là, je fais sa mise en scène, tu vois. Et j'ai un copain aussi qui va faire ma mise en scène. Et petit à petit, en fait, il y a des ponts qui se créent entre les artistes. Ouais. Une chanteuse qui a rencontré son contrebassiste aussi, et ils ont créé un magnifique projet ensemble. Il y a déjà un bébé aussi. Il y a un bébé. Okay. Les gens qui se sont rencontrés au Cénobar, et juste avant le confinement, ils ont confiné ensemble. Il y a un petit César qui est né. C'est toujours rigolo, mais ça reste ça. Il se passe des choses dans ce bar-là. Bah, c'est un bar, quoi. Donc, Nico Patou, tu vois qui c'est ou pas? Oui. Bah, oui. C'est lui. Il a eu un enfant avec une fille qu'il a rencontrée au Cénobar. Avec une amie à moi. Ben voyons. Ouais, c'est ça. Il l'a reçu ici. Ah ouais, c'est ben oui, je l'ai reçu, ben oui, deux fois. Ok. Eh ben. C'est drôle. Ben c'est, oui, effectivement. Mais il s'est passé tellement d'affaires pendant 2 ans. T'es pas revenu l'année, du coup t'es pas revenu depuis ben, 2 ans, hein, ça, ouais, tu pouvais non, pas. Non, je pouvais pas, non. Mm. C'est juste cette année, parce que je suis vacciné 3 fois et blablabla, mm. que je peux venir ici. Si t'es pas vacciné, tu peux pas. Ouais, ouais. Faut une preuve vaccinale. Et quand tu arrives ici, tu dois remettre une fiche de retraçage. Ouais. qui indique à quel endroit tu habites. Ouais. Parce que si tu as la COVID, ils vont te le dire, ils vont t'envoyer un message. Ils vont t'appeler. Ouais. C'est totalement ça. Mais toi, tu es chanceuse que le bar soit encore ouvert et que tu puisses continuer à desservir les. Ah ben les oui. Ben, c'est vrai que ça, il va avoir 3 ans le Cénobar, mais c'est comme s'il a que 6 mois là. Ouais, c'est ça. Je travaille. Le projet commence à être fait depuis 6 mois. Tu dis souvent que tu as plus travaillé sur le trottoir que derrière le comptoir. Ah oui, ben oui, c'est vrai. Est-ce que c'est exigeant d'avoir. Croyais-tu que c'était aussi exigeant que ça? De tenir un bar? Oui. Ben, en fait, c'est pas seulement que je tiens un bar, c'est qu'il y a aussi un artiste ou un groupe par soir. Donc je tiens et le bar et la scène, donc ouais. La programmation, les rencontres, tout. Je savais pas, mais je savais que c'est ce que je voulais faire et c'est ma plus belle vie. Donc j'ai aucun regret. Mais t'étais comédienne avant? Ouais, je fais du... Ouais. Ouais. Pas que, j'ai eu plusieurs vies aussi. Ouais. Mais je suis venue à Paris liée à un seul en scène que j'avais créé. Et là, ben, dans quelques jours, ça va faire 12 ans que j'habite à Paris. Ouais. Oh! Le 11 juillet, je crois. Oh! Mais c'est ça toute faisait... jeune? Ouais. 12 ans! Ouais. Ah, mais ça passe tellement rapidement. Bah, ouais. Quand tu y penses, là, tu... Ah, c'est vrai, hein? C'est surprenant comment le temps... Alors, faut pas trop y penser. Toi, Renat, ça fait combien de temps que tu viens ici tous les ans pour ça fait exactement 11 ans. 11 ans que tu viens? 11 ans, oui, oui, oui. Ah, ben, vous êtes presque... Ah, oui, oui, on a les mêmes racines. Ouais. Puis, donc, ton bar commence à porter fruit parce qu'il y a le bouche à oreille. Oui, j'avoue, c'est la meilleure des publicités, des coms. J'ai fait très peu de coms, moi. J'ai juste un Facebook, un Instagram. J'ai débuté il y a 3 ans l'Instagram. Et là, la meilleure pub, c'est les gens, quoi. Et là, je sens que ça commence à toucher le 3e, 4e cercle, comme on dit. Et les artistes passent tous les jours pour savoir quand est-ce qu'ils peuvent jouer, quand est-ce qu'ils peuvent venir jouer. Bah, des fois, je suis un peu débordée, je le cache pas. Ouais. Mais c'est pour ça que j'ai de l'aide maintenant de Camille Feist, là, qui m'aide à la programmation. Oui, que je connais, que j'ai rencontré. Bah, je pense bien. J'ai tout rencontré. Bah, c'est une grande amie. Ah oui. Et Pauline aussi me donne des coups de main par moment. Mais je fais toute seule, quoi. Dans l'absolu, pour l'instant, je fais toute seule. Et je vais déjà faire tourner ma baraque toute seule. Et quand je vois que ça marche toute seule, bah, là, je me donnerai les moyens de prendre des extras ou de prendre un peu de recul, quoi, même. De prendre un stagiaire? Non. Non. Tu veux contrôler toi-même ta... Ah oui, ça, ouais. Je vais pas le lâcher. Je peux pas. C'est plus fort que moi, je peux pas. Pourquoi t'es arrivé à un jour te dire je veux avoir un bar, je veux avoir un endroit pour que les artistes puissent. Est-ce que tu veux que les artistes se rendent dans ce bar-là pour s'exprimer ou si tu voulais simplement avoir un bar? Non, je voulais un bar avec une scène. Ok, c'est ça. C'était très clair. Je voulais déjà un bar avec un lieu où il y avait de toute façon des artistes. Un bar, ça ne me suffisait pas. Ou... Je ne sais pas pourquoi exactement, parce que moi, j'en ai beaucoup. Il n'y a pas d'intérêt. Pour toi, il n'y a pas d'intérêt. Bah, j'ai envie. Un endroit. Je veux y jouer aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est exactement. Aussi à moyen long terme. Je vais créer mon 3e seul en scène. Et j'aimerais pouvoir le jouer peut-être une fois par semaine, tu vois, que ça soit que la patronne monte sur scène. Et ça serait mon. Là, pas dire mon dernier rêve, mais ouais. Pas mal, pas loin, quoi. Mais là, pour le moment, t'as pas le temps. Non, là, j'écris un tout petit peu, mais j'ai un peu une idée, mais j'ai pas encore... Non, du tout. Non, je prends pas encore ce temps, je peux pas. Ouais. J'ai pas la tête libre assez, le cœur assez libre. Ouais, t'es trop pour écrire, ouais. Mais fatigué. Oui, oui. Vous êtes fermé, toi, t'es fermé dimanche, lundi? Lundi seulement. Lundi, bon. Oh. Alors, c'est 6 jours semaine. Ouais, mais ça, je vais peut-être réadapter quand même à la rentrée, On va voir. Si je ferme pas un jour de plus quand même. Et tu fermes à quelle heure? Bah là c'est quasiment tout le temps 2 heures maintenant. Avant c'était minuit et là ça se décale pas mal à 2 heures. C'est 3 heures chez nous au Québec. Les bars ferment à 3 heures. Ah ouais. Le dernier verre que les gens peuvent boire, c'est une demi-heure avant la fin. On appelle ça le last call. Ah ouais. Last call. Last call. C'est très très fort. C'est quoi? J'ai pas. Ça veut dire. Last le dernier verre. Ah. Le dernier verre. Alors les gens choisissent. Ben, dernier tu peux demander. Appel. À 2h30. Ouais, 2h30 du coup. Oui, c'est ça. À 2h30, tu peux demander, exemple, 3 bières, puis t'es seul, tu finis tes 3 bières. Ouais. Alors t'es pas sorti avant 4h du matin. Ah ouais, ok. Ouais, mais c'est parce que tu peux commander plus de choses en sachant que tu peux plus après ça commander. Donc tu peux partir à 4h. Ouais. Mais c'est pas vraiment apprécié. Ah, donc il n'y a pas de flic pour venir foutre une amende. Ben oui, si tu vends après 3 heures. Après 3, ouais. Mais à un moment donné, commence à retirer la musique, plus de musique. La lumière commence à s'allumer un peu plus. Ça perd son charme. Ouais, ça peut, oui, mais à un moment donné, il faut bien qu'il parte. Ouais. Il y a toujours un quartier un peu underground où tu peux aller dans un autre bar clandestin. Et il y a moins de problèmes de voisinage que Gavary aussi? Il y en a autant, mais c'est aussi imbécile de commencer à gueuler parce que tu habites à côté d'un bar. Tu savais que tu étais à côté. Pourquoi tu acceptes-le? Ben maintenant, il y a une loi. C'est quoi la loi de festival de culture barbare? Elle est sortie en décembre 2019 et c'est un collectif qui est très intéressant à découvrir. C'est le collectif Culture Barbare. Ça vient de Nantes à la base. Et tu cotises dans ce collectif et tu as des conseils, des aides. Ils font un festival aussi à la fin de chaque année. Et ils sont politisés de plus en plus. Enfin, ils ne sont pas dans un parti, mais ils ont des contacts avec certaines personnes politisées de la culture en France. Et là, en décembre 2019, ils ont fait passer une loi que si toi, tu achètes un appartement en dessus d'un bar, tu sais que c'est un bar, tu n'as pas le droit de porter plainte. Ah ben non. Ouais, ça paraît logique, mais avant, avant, t'avais plein de bars qui fermaient à cause d'un couillon qui venait d'emménager et qui se plaignait tous les jours, quoi. Ben oui, mais fermer, c'est épouvantable. Ah ouais, mais il y en a énormément, là. Il est obligé de fermer. Maintenant, heureusement, le bar est pro. Oui, il y en a plein. Ah, mais c'est des démarches après, c'est hyper compliqué. C'est des fermetures administratives, c'est l'épée de Damoclès de tous les bars, on a peur de ça, nous. Hein. C'est pour ça que tu as souvent. Quand quelqu'un achète le bar, il essaie d'avoir l'étage d'au-dessus aussi. Ouais. Pour éviter justement d'avoir des problèmes avec le voisin du dessous. Oh, oui, tu vois. Ouais, mais le propriétaire, là, avant de louer, le propriétaire pourrait placer une note qui stipule que le bruit fait partie de l'appartement. Non, mais c'est vrai. Et dans les murs, quoi. Donc, il ne peut pas revenir parce qu'il a signé le fait que le bruit peut être excessif. Ouais. Je ne sais pas si c'est jouable, mais ça serait peut-être une alternative. Mais là, grâce à la loi qui est passée, fermer un bar parce qu'il y a du bruit. J'espère qu'il y a du bruit, c'est un endroit vivant, c'est pas... Ah oui, non, mais c'est de la folie, hein. Il y en a beaucoup qui ont paru ouvert aussi, là, hein, qui ferment à cause de ça. Et y a les licences 4 en France, ils n'en font plus de nouvelles. Tu peux que racheter ou reprendre des licences 4, mais il n'y a plus de création de licences. Et je ne sais plus les chiffres, mais il y en avait peut-être 60 000, je dis n'importe quoi, dans les années 60, et là, il en reste plus qu'une 20 000 ou 15 000. Ah ouais. C'est des chiffres hallucinants. Mais c'est pas bien, ça, au moins, quand tu es ouvert, tu sais qu'il n'y en aura pas 3-4 qui ouvrira à côté de chez toi. Moi, je pense que plus il y a de bars, mieux c'est dans la vie, quoi. Un bar, est-ce que... Après, c'est les clients qui choisissent. Ben non, c'est les clients qui vont choisir en fonction de l'ambiance, de la patronne, du patron, des boissons. c'est le client qui est responsable, on va pas se tirer dans les pattes. Moi, dans la petite rue, on est trois bars, hein, et en face de mon bar, c'est une route, elle fait quoi, elle fait 3 mètres de large, bah, en face, il y a un bar, le Zach Bar, il est là depuis 15 ans, il m'a toujours soutenu, il m'a toujours dit bienvenue dans la rue, si t'as quoi que ce soit, on est là, et, on se dépanne. On... Si moi, j'ai pas de cocktail, je dis, bah, allez, en face, ils en font, tu vois, enfin, franchement... C'est une... pas là pour se tirer dans les pattes, c'est une rue vraiment, c'est une rue marrante, c'est une rue, c'est une rue qui appartient aux femmes aussi un peu. Ah oui. Ouais, il y a pas mal d'auto-entrepreneuses. Il y a, au début de la rue, il y a une fleuriste avec Antoine quoi, mais Ylva et Antoine. Il y a un couple d'amis. Non, c'est des amis. Elle est suédoise. Mais c'est elle qui a ouvert et elle s'est accompagnée d'Antoine et a demandé à Antoine de la rejoindre. Et super fleur de saison et tout. Et puis il y a. C'est ça, après t'as la boulangerie, tenue par Claire, qui avant était architecte d'intérieur, dans ce local-là qu'elle a transformé en boulangerie. Et c'est une boulangerie spécialisée dans. Elle a son levain dans le pain, donc c'est pas des. Boulangeries, ça part à zéro. Ça part à zéro. Ouais. Ouais. Et t'as le resto à côté de chez Christelle, qui est tenue par Isabelle, qui était architecte avant. Et il y a 6 ans, elle a tout arrêté pour ouvrir son resto. Et bien, et Christelle, c'est des gens qui ont changé de métier, qui ont changé de... Ouais, du jour au lendemain, qui sont dit « Ouais, il faut que je change de vie, ça me plaît plus et j'y vais. » Parce qu'architecte, c'est quand même très payant de dire que je veux une petite boulangerie. L'argent. J'avoue que tu gagnes moins bien ta vie, mais peut-être... au niveau humain, tu gagnes plus. Alors, tu as le choix, est-ce que je veux faire de l'argent ou être heureux? C'est ça. Ça, c'est ton cas. Combien de personnes peuvent rentrer dans ton bar? Alors là, on a, je pense qu'il y a une soixantaine. On peut être 60 quand on est debout, assez confort et tout. Mais là, dimanche dernier, je pense qu'on était à passer 100. On a eu une soirée extraordinaire. Et comme il faisait beau, on était dehors aussi. Et comme ok, la rue, vous avez le droit de déborder. Bah, la rue est piétonne jusqu'à 22h, donc ça, c'est très agréable. Est-ce que tu sors des tables, non? Alors, je sors un peu de table juste devant ma petite terrasse. Là, j'ai pu avoir ça, une petite terrasse. Mais le temps du spectacle, eh ben, non, là, j'avais laissé les... On était tous debout dedans et ça sortait dedans, dehors. Mais la plupart du temps, lors des spectacles, je ferme la porte. Okay. Aussi pour préserver les voisins et que la musique ne sorte pas dans la rue, quoi. Et je suis assez stricte là-dessus. Est-ce que tu offres des repas? Non, c'est un vrai choix, je peux pas tout faire et je veux pas que les gens mangent de la merde ou des choses que j'ai achetées au casino et que je revends 10 fois le prix, ça m'intéresse pas. Ouais, je t'as sais pas que tout cuisine. Le monde, et j'ai pas, je me suis pas donné les moyens de faire une cuisine et puis tout le monde me dit « Ah, tu peux couper un saucisson » et tout. Non, je peux pas couper un saucisson, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une réglementation, il y a de l'hygiène à respecter et si je le fais, je le ferai bien, je sais déjà ce que je vais faire. Mais pour l'instant, j'ai des très bonnes cacahuètes. Ok, ben voilà, c'est ça. J'ai de temps en temps du pop-corn et puis c'est mais en plus, c'est un produit qui incite à boire. Un mets soufflé, tu mets un peu de sel, les gens vont acheter plus de bière. C'est sûr, mais, ouais. Mais bon... Ouais, c'est ça, c'est vrai. Parce que je dis, allez manger. Dire, moi, je côtoie les bars depuis que j'ai 15 ans. Honnêtement, j'en ai 45 cette année, là. Et ben, avant, on mangeait pas dans les bars et ça allait bien. T'allais, tu bois des coups, tu vas manger quelque chose, tu reviens parce que t'es super bien. Là, maintenant, on a pris une sacrée mauvaise habitude, quoi. On me met des kebabs dans mon bar, mais je dis, mais vous plaisantez, ouais. Donc, je leur dis, dehors, vous sortez. Oh, oh, oh. Encore hier soir, quand ils arrivent avec leur plat, je suis là, mais on n'est pas à la cantine, quoi. Enfin, franchement... Après, c'est moi qui nettoie, ça me fait du gras partout, ça pue. Non, c'est un bar, je dis on déguste les artistes. C'est tout. On est obligé. Enfin, moi, Et parfois, il y a des exceptions où tu prends le fromage suisse, là. Oui, dans certaines soirées, j'apporte quelque chose et je l'offre. Comment il s'appelle? Il y a des super bonnes choses. La tête de moine. La tête de moine. Ah oui. Tu sais, avec le... La girole. Ouais. Très bon. C'est super bon, ça. Oui. Je pense que c'est le meilleur fromage du monde. Et tu l'offres gracieusement. Ouais, là, c'est mon petit cadeau de temps en temps. C'est vrai que ça coûte cher, mais ça... Ça me fait plaisir. Les gens de... Ouais, c'est ça, ouais, ça me fait plaisir de l'offrir. Et, si je le fais, c'est que c'est des bonnes choses, ouais. Ouais. C'est important. Donc, tu veux pas faire ça à peu près, tu veux vraiment être intense dans tout. Ah ouais, je préfère rien qu'à moitié, quoi, c'est sûr. Et j'ai vraiment des bonnes boissons à proposer, donc j'ai des choses un peu différentes que la masse. Donc les gens viennent au bar pour boire un verre et voir les artistes, et voilà quoi. Voilà pour manger. Est-ce qu'il peut arriver des soirées, surtout les fins de semaine, où les gens abusent un peu et tu dois franchement, intervenir? Franchement, ça se passe très très bien. J'ai très très peu de fauteurs de troubles, ouais, très très peu. Je pense qu'ils le sentent, qu'ils ne sont pas au bon endroit. Bah, encore hier soir, magnifique exemple, il y a trois mecs pour débarquer assez tard. Je les ai vus déjà, ils avaient les lunettes de soleil, ils étaient déjà déchirés à je ne sais quelle drogue, j'ai tout de suite vu. Et ils me disent « Ouais, on veut de la vodka Red Bull. » Là, je les regarde, j'ai fait « Mec, j'ai pas de Red Bull. »« Ouais, t'as quoi ?» Donc, déjà, ils me tutoient, tout ça, c'est mort. Je fais « Écoute, là, j'ai rien, quoi. »« Ah, t'es un bar et tout ?» Je fais « Ouais, mais là, j'ai rien, quoi. J'ai pas de vodka, j'ai rien. » J'ai dit « Va en face. » Et lui, il fait très bien des cocktails. Je te jure, et c'était trois gros gaillards, ouais. Mais même pas peur, quoi. Ils sont partis, la queue entre les jambes, quasiment, ils sont allés en face. Ouais. Mais en face, ils les ont pas pris non plus, hein. Ils sont partis. On le sent, on sent les gens qui vont pas être corrects ou qui sont trop allumés, ça m'intéresse pas, quoi. Amstramgram, pique et pique, collégramme pour et pour, ratatam, Amstramgram, car à toi si tu me roules. Amstramgram, pique et pique, collégramme pour et pour, ratatam, Amstramgram, je t'aurai toi et ta poule, dis-moi tout. Jusqu'au jour où je vous ai vu. Dans quel hôtel? Quelle position? Et pourquoi elle? Réponds. Amstramgram, pique et pique, collégram pour et pour, ratatam, Amstramgram, je ne ferai plus l'amour. Amstramgram, pique et pique, collégram pour et pour, ratatam, Amstramgram, et toi non plus mon amour, dis-moi tout. Lui parlais-tu parfois de nous? Qu'elle riait quand dans son cou tu murmurais c'est toi mon meilleur coup. Amstramgram, pique et pique, collégram pour et pour, ratatam, Amstramgram, moi au trou et vous dans le trou. Amstramgram, pique et pique, collégram pour et pour, ratatam, Amstramgram, t'avais qu'à m'aimer toujours. Amstramgram, pique et pique, collégram pour et pour, ratatam, Amstramgram, moi au trou et vous dans le trou. Amstramgram, pique et pique, collégram pour et pour, ratatam, Amstramgram, t'avais qu'à m'aimer toujours. Pique et pique et collégram. Toujours. Et puis si t'appelles les flics, est-ce qu'ils peuvent arriver? Non, mais je vais pas appeler la police. Ah non? Non, mais si j'appelle la police, c'est extrêmement grave. J'ai appelé une fois la police, ils sont venus 4 heures après, donc tu vois. Oui. J'ai pas trop d'attente à avoir avec la police, si je puis dire. Pour quelqu'un de violent, c'est ça? C'est un voisin où j'ai eu des antécédents avec lui. Il a des problèmes psychiatriques. Oh, mais là, ouais, c'est pas de sa faute. Non, mais. Bon, ça vaut pas la peine d'en parler. Peut être dangereux. C'est quelqu'un que j'oublie de ma vie, ça vaut pas la peine d'en parler. Mais c'est normal, tu tiens un bar, tu croises de tout, et c'est ça que j'adore dans un bar, c'est la société. C'est un reflet de la société. Ouais. Mais dans l'ensemble, franchement, le Cénobar, il accueille des gens très respectueux, extraordinaires. Il y a 2 mois, j'ai eu un groupe de rap, ils avaient 20 ans tous, hein. Ils étaient fabuleux. Ils étaient 3 sur scène, surtout un, Nobu, il s'appelle, à découvrir, si jamais, Nobu. Il m'a amené, mais... 50 personnes, que des jeunes de 20 ans. Ok, ben c'est vrai, ouais. Tu vois. Et ça, quand j'en parle, j'ai encore les frissons. C'était un tel bel exemple, quoi. Et le rap. Avec là, du matos, il est venu. Ils avaient même amené du matériel. Il avait 20 minutes seulement de scène. C'était pour un vendredi soir. C'était professionnel pour 20 minutes. Ouais, c'était sa première scène. C'était une équipe et tout. C'était sa première scène. Il avait déjà sorti son EP et tout, mais c'est sa première scène. Et moi, c'est ce qui me fait le plus vibrer, c'est les premières scènes des artistes. Quoi. Est-ce que tu peux le reprogrammer? Alors oui, on se garde de toute façon en contact. Il va continuer de créer son projet, peaufiner. Il aura une heure une fois. Il aura une heure, il aura son heure, c'est clair. Quoi. Alors, il y a toujours des rencontres extraordinaires, d'autres un peu moins... Je découvre que voilà, dans la musique, il y a plein de familles un peu. Et puis, puis les artistes, moi, je les découvre. Les musiciens, musiciennes, chanteuses, chanteurs, je ne les connaissais pas il y a 3 ans, moi. J'allais à très peu à des concerts, j'avoue que je ne suis pas mélomane. Quoi. Enfin, ce que je viens d'entrevoir peut-être, c'est que je viens souvent, depuis 4 ans, là, j'ai joué à une semaine de vacances en février. Donc, je vais aller dans ton bar et c'est là que tu peux faire des rencontres, rencontrer des artistes pour le mois de juillet, les rencontrer... ce serait pas mal. Ah ben ouais, aller tu peux en effet les rencontrer aller là recruter, et ensuite... Oui, c'est ça exactement, ça. Tout aller à les fait, venir les écouter au Cénobar, ouais, et bonne idée. Ouais. Est-ce que... Bah, à fond. Est-ce que c'est acoustique ou il y a une sono? Alors, on s'est donné les moyens de mettre une bonne régie quand même, donc, et le son est très très bon sur la scène, parce qu'il était déjà, la scène est sonorisée, donc les artistes sur scène ils s'entendent bien, on a mis des retours, donc oui, on peut la sonoriser. On a un piano à disposition aussi, qui est sur place, et acoustique on peut aussi le faire, mais plus ça avance, moins les artistes jouent en acoustique. Mais là, moi, je crois qu'un de mes projets de la rentrée, j'aimerais faire une soirée que acoustique. Ah ouais, c'est où tu débarques juste avec ta guitare, ton piano, ta scie musicale ou ton violon, tu vois, et pas de micro et pas de sonorisation. Ça, c'est mon rêve. Ok. Au début, je voulais pas mettre de régie. C'est mon ami NJ qui m'a fait toute la régie, qui m'a dit, mais Cri, tu peux pas ouvrir un bar à Paris et pas sonoriser, c'est dommage. Elle m'a travaillé au corps pendant 15 jours. Hein. Moi, je voulais pas. Ah ouais, je voulais pas. Les lumières aussi, c'est elle qui a insisté? Non, lumière, ça je voulais. La lit au théâtre, ça je voulais. Ok, mais quand tu es arrivé, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien. Il y avait une base, mais on a tout recréé, quoi. On a tout rajeuni, rafraîchi. C'était la féline avant. Oui, je sais, oui. Ouais. Est-ce que c'est le gouvernement qui offre un montant d'argent pour que tu puisses revamper un peu le lieu ou si c'est toi? Oui, je sais. Ok, tu viens de répondre. Mais t'aurais comment... ça au Canada? Il y a ça? On peut. Ah ouais? On peut au Québec. avoir dépendant de bien des choses, là, mais c'est toujours de la bureaucratie. Hein. C'est jamais facile. C'est toujours des fiches à remplir, des trucs, tu peux pas faire ci, il faut faire ça. C'est lourd. Puis toi, c'est toi qui as tout payé? Pour créer, tu dis? Oui. Disons que je me suis donné les moyens de... Voilà. Tu sais, pour le piano, tu... Alors le piano, c'est Angélique, c'est mon amie, la régisseuse, qui l'avait chez elle. Elle m'a dit, vas-y, prends-le. J'ai eu beaucoup, toutes les chaises, les tables, j'ai rien acheté. C'est que des choses trouvées dans la rue, des cadeaux, ou comme ça. C'est des tables un peu comme ça, ou un peu non, c'est de briques et de broc. Okay. Hein, franchement, il y a du simili, enfin voilà, c'est... Mais tout mais pour à peu près stable, hein? Non, mais ça donne un cachet. Ah là oui, c'est dépareillé, mais ça a son charme. C'est pas grave, ça a son charme. Mais je veux juste rebondir, parce que j'ai rigolé en disant que l'État, il donnait pas d'argent, mais par contre, là, il fait quand même un truc bien, l'État. Quand tu engages des artistes et que tu fais des guzos, donc des cachets, des cachets en France, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'unique. Ouais. Et ça, faut quand même le mettre en avant. Ouais, et quand tu tiens un lieu, en fait, moi, j'ai passé les 3 licences entrepreneur spectacle, donc je peux faire des concerts tous les soirs si je veux. J'ai pas un minimum de 5 spectacles par année. Si t'as pas de licence, tu peux pas faire plus de 6 spectacles par année. Okay. Donc moi, je peux en faire autant que je veux. Et certains des artistes, comme Pauline Paris avec son travail de René Vivien, je faisais des cachets. Donc je fais des cachets, donc ça veut dire qu'elle a son salaire aussi, elle fait son nombre de cachets à l'année. Moi, je lui en fais quelques-uns. Et j'ai une aide qui s'appelle le JIP Café Culture. Et ça, ils prennent un pourcentage sur le cachet. Donc l'État me reverse, quand moi j'ai payé son cachet, en tout, c'est sur 160 euros, eux, des fois, ils me donnent 60 euros ou 70 euros. Et plus tu engages d'artistes en un soir... Et plus tu les payes aussi, là. Il faut que tu les payes. Je les paye, mais plus j'ai de l'aide aussi. Donc c'est au pourcentage du nombre d'artistes. Donnant. Et là, j'ai vu que l'État continue de faire une aide, encore en plus du GIP. Jusqu'à fin juillet, donc... Donc, j'ai pas envie de cracher, vous voir ce qui marche quand même. Certes, c'est un peu de document, de la paperasse, mais en même temps, franchement, je trouve que c'est quand même assez bien fait. Oui. Honnêtement, Guzo, JIP Café Culture, je trouve que c'est quand même assez bien fait. Mais les artistes qui vont passer ce soir, est-ce qu'ils ont un cachet? Non, ce soir, c'est les Cénobarais, donc non, il n'y a pas d'argent non plus, c'est convenu avec eux. Il n'y a pas du tout de chapeau, parce que le chapeau, je le mets en avant. Ah bah chérie, là va falloir. Je le mets en avant autrement, le chapeau. Mais le vendredi, non, il n'y a pas. Okay. Ils le savent, ils ont un verre offert et puis ils viennent. Ils ont déjà des bonnes conditions, ils ont une scène géniale. Pour un début, c'est déjà pas mal. Tu fais le chapeau ? Non, tu fais pas le chapeau. As-tu le ciné, mon cinéma ? Je te détaille plan par plan. De quelle couleur tes yeux déjà ? Zoom sur ton regard en grand écran. As-tu le ciné, regarde-moi. J'ai des pixels plein les yeux. Je vais là où tes yeux foudroient. Mais toi, tu n'y vois que du feu. Ciné, cinéma. Ciné, cinéma. Ciné, cinéma. M'as-tu le ciné, mon grand frisson? Rien qu'à te voir, j'en perds la voix. Je veux toute une série de toi. Qu'on passe ensemble les saisons. M'as-tu le ciné, mon film d'horreur? Je te rejoins à travers champs. Mais quand j'y suis, tu pars hors champ. Vraiment, parfois, tu me fais peur. Ciné, cinéma. Ciné, cinéma. Ciné, cinéma. Dulciné. Ma dulcinée, ma silencieuse. Même muette, tu es tueuse. Chut, ne dis rien, faisons comme si j'étais ton unique objectif. Ma dulcinée, mais où vas-tu? Sans toi, je vois tout noir et blanc. Un réveil sonne et perce l'écran. J'ouvre les yeux, tu n'es plus là. Ciné, cinéma. Ciné, cinéma. Ciné, cinéma. Ciné, cinéma. Ciné, cinéma. Ciné, cinéma. Mais ces gens-là, ce qui est bien, c'est qu'ils m'ont amené des amis. Alors, ben, ça paraît normal. Après, hein? T'as certains artistes qui croient que déjà, il y a, que le cénobar a déjà sa clientèle et c'est faux, quoi. Hein? Donc, il faut que chacun fasse sa part et en général, chacun fait sa part dans l'absolu. 90% des artistes, ils m'emmènent du monde, quoi. Surtout si c'est leur première scène, tu vois, c'est un bon moyen de se rencontrer. Vendredi dernier, c'était super, il y avait une fille. Non, mercredi. Enfin, mercredi, c'est les scénoplateaux, c'est les plateaux du scénobar, donc c'est des coplateaux. Donc il y a deux artistes qui font 2 fois 45 minutes. Ok, ouais. Et mercredi, il y avait une fille, elle part habiter à Denver d'ailleurs, elle est américaine, elle retourne chez elle. Okay. Et je l'avais programmée pour 45 minutes le mercredi, et elle en a profité de faire son pot de départ de Paris, tu vois. Donc elle a ramené, mais je sais pas, il y avait au moins 30 personnes que d'elle. Et on a fait, c'était un succès. En plus, elle chante magnifiquement Alice bien. Alice Gain. Ah ouais. Et à la fin, elle m'a dit, mais merci, grâce à toi, j'ai fait ma première scène d'un cénobar en avril et j'avais tellement aimé, c'est pour ça que je lui ai dit, viens faire une fois 45 minutes. C'est un peu ça l'idée, c'est comme des mini tremplins le vendredi et après, je les mets 45 minutes. Et je pense que c'est un bon système. Ouais. Mais pour dire qu'elle a complètement joué le jeu et elle a profité de faire une scène pour dire à ses copains, amis, et aussi une population géniale, des trentenaires extraordinaires. Quoi. Ouais. Donc, non, la jeunesse, elle est belle. Non, vraiment. L'humain est génial, quoi. C'est vrai. Franchement, il y a moins de cons que de gens géniaux. Ben, je crois que les artistes, donnent encore un espoir. C'est eux qui fleurissent un peu nos univers qui sont quelquefois difficiles, surtout pendant les 2 années que l'on a vécu. Il y a des créateurs qui se sont donnés dans des spectacles, dans leur sous-sol. Hein. On pouvait regarder ça sur Internet. Il y en a qui ont fait des enregistrements, il y a des gens qui ont... On a vu des spectacles de chez soi, sur un ordinateur. tu regardais, tu suivais un peu les spectacles? Moi, je payais. À un moment donné, j'ai mon oncle Serge, qui est un auteur-compositeur québécois. Mm-hmm. Ce serait bien, je vais lui en parler, parce qu'il fait des tournées. Là, il en a fait une il y a un mois ici en France, il a fait une tournée. Puis je vais lui parler de ton bar, puis peut-être que je vais vous placer en lien. Parce que lui, il fait du... Mais est-ce que le style est important? Le style musical? Non, j'ai eu de tout et j'aurai de tout. Ok, parce que après, j'ai mes préférences. Et tu fais pas que de la chanson, d'ailleurs. Je fais pas que de la chanson, vraiment. Que de la musique, je veux dire. Et comme on dit chez nous, il déménage. Il déménage. Il déménage. Destruction, là, quand tu fais ça sur scène. Et souvent, il est seul, mais il y a toujours une boîte à rythme ou un truc. Alors, il met le pied sur, puis là, la batterie embarque. Oui. Là. Ouais. Okay, là, et on croirait vraiment là, qu'ils sont 30 en arrière, là, mais il est tout seul. Ah ouais, il y a toute la programmation. Ouais. Puis c'est un showman, OK? C'est un showman. Il peut monter sur une chaise, monter sur la table. Tu le laisses aller. Mais c'est pas... Il est délirant, mais il est conscient de son délire. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui... C'est calculé, mais ça paraît pas, là, si tu le sais pas. En fait, il s'adresse juste pour... Ah, c'est drôle. Le pitou trimballe le sac d'Adam. Ah, oh, ça, c'est merveilleux. J'aime ça. Ah, ouais, c'est bon. Marrant. OK, le... Eh ben, le pitou, t'as dit? C'est un chien, c'est un pitou. Oui, pitou, oui, le pitou. Il y a plein d'expressions chez nous. Donc, qu'est-ce que je veux dire là-dessus? Pratique. Mon oncle Serge. Serge, il est libre. Un fou raisonné. Il sait ce qu'il fait, mais... Oui, il sait ce qu'il fait. Il est libre, oui, il monte sur les tables. Oui, il monte sur une table. Et moi, je suis allé le voir. Non, mais j'avais quelque chose de brillant, mais c'est rare. Ta chevelure d'un blond rose à l'opulence du couchant, ton silence semble une pose adorable au milieu d'un chant. Et tu passes, ô bien-aimé, dans le frémissement de l'air. Mon âme est toute parfumée des roses blanches de ta chair. Lorsque tu lèves les paupières, tes yeux pâles d'un bleu subtil reflètent les larges lumières. Tu lèves les paupières, tes yeux pâles d'un bleu subtil reflètent les larges lumières et les fleurs t'appellent, avril. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.